La Corée enregistre toujours de grands succès dans la campagne de 200 jours. Les jeunes d'une cinquantaine de troupes de choc du secteur de l'industrie houillère ont terminé à l'heure actuelle le plan annuel, alors que le complexe des mines houillères du district d'Anju et le complexe d'acierage de Cholima dépassent le plan de production journalier à plus de 130%. L'usine de transformation d'Insam de Kaesong et autres centres d'industrie locale de Kaesong ont dépassé le plan de l'économie nationale de cette année et l'annexe de l'Académie de la science de l'agriculture de la province du Yangon cultive une nouvelle espèce de pomme de terre conforme aux caractéristiques alpines et introduit dans la production la technique de culture de haut rendement.